mira. Ok, mira, yeah. Soy el people y en el suelo saco chispa fuego, vivo en el duelo. Que el cielo salga caro, sello saco de mi saco un aparato, un taco en fast food opacos. Tengo el taco antes del contacto y impacto. Soy en un chaco de Bruce Lee, sobredosis de Kurt Cobain, ok, sniff, así, sí. Soy el veneno del Black Impala, mi rap no para, esquiva la bala. Suena cacaria, se caga en tu cara, yeah. Soy el psicópata de la ópera, estrofas y prosas destrozan, flotan en la atmósfera. Prendo un fósforo, abro la llave de gas, explota en el cosmos. Como astro, soy una estrella fugaz, vas como flash, aspa los clash, pasa allá atrás. Yo sigo el compás mientras que tú lástimas das. Final fatal, oxígeno vital, exígeno es normal, excita el clítoris, existe lo brutal. Doute dans la tête, rage dans les veines, rap dans les gènes, carence de flouze dans la merde, trop de hache dans les neurones, envie de foutre le bordel. Esprit de barre, je démarre au quart de tour, explosé. Mon sac, pense et propre crâne selon l'humeur. Des coups de crasse ou de joie, le jeu du hasard dans la stupeur là. Peur de souffrir, peur de courir, peur de mourir, peur de donner la clé pour voir un jour nos cœurs s'ouvrir. En bluff, maudit keuf, raciste, meurt. Deuil tragique, trop de pleurs et trop peu de fou rire. Ainsi va le monde malement apparemment. Car alarmante et l'avalanche des tracassables attend sur nous. Ici, pas le temps, rapidement faut faire l'argent. C'est harassant comme tous ces gens croyant tout savoir sur tous ces gens bloqués froissants. Panache, sans humour, qu'on devrait attacher baillonné, mettre à l'écart dans une soute. Putain, je deviens haineux, aigri, nerveux. Je néglige tous les principes qui me sont chers. Je me résigne à fuir la réalité. Je reste seul, j'écris, pensant à mes proches. Tout ce que j'ai à gratter, je leur dis. Chez moi c'est cérébral. Comme si ma mère voyait dans cet état. Sans ça, sans pas comme si tu sautais d'un immeuble de cet étage. Trouver un petit éden, mais c'était elle. Une flamme s'est éteinte le jour où la bêtise à ta place. Et qu'elle a dit que c'était die, die, yara, la bye, bye. Une petite entaille, trop tard pour un spiff de taille. Une jolie fille en tailleur. C'est comme si t'étais vie, des fruits de tes entrailles. Tu fais la vie comme un suicide collectif du haut de ta montagne. Faut que je le dise, faut que j'essaie. Même si tu connais pas le quart des vices de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai, ce que j'ai testé. Quand tu sais que ce que t'aimes sont devenus. Ceux dont t'as testé, ceux de tes manières. Grâce à mes propres moyens, l'histoire se répète avec un zéro nul de moyenne. 9 de c'est mon domicile, quand je rappe c'est un homicide. En 2009 je décide de me mettre aucune barrière, yeah.